Evariste Ndikomanyanga. François Kimana est à la mise en onde. Merci de rester branché sur nos ondes. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. La mesure de la société pétrolière du Burundi Sopebu d'exiger les propriétaires des stations-service à s'approvisionner à Gitega et non à Bujumbura inquiète les conducteurs des taxis-voitures du sud de la capitale économique. Et les responsables, les propriétaires des stations-service, ce qui va encore empirer les files d'attente aux stations-service pendant plus de 2 semaines par rapport auparavant. Les agriculteurs de la commune Kayanza en province Butanyerera ne trouvaient pas davantage dans la vente de leur production du maïs. Dans la Nagessa, ils déplorent le retard du paiement alors qu'ils comptaient cet argent-là pour le paiement de la solde des engrais chimiques et l'achat des semences du maïs pour la saison de pour le semis de la saison culturelle C. Certains habitants qui exercent des activités génératrices de revenus long de la rivière Nangwa, notamment le curage de moellons, dénoncent le déversement dans cette rivière des eaux usées en provenance des enceintes de l'Université du Burundi. Et la chronique sportive de ce lundi s'articule sur la retransmission en direct des matchs de football qui n'était pas facile dans les années 1980-1990, du fait qu'on utilisait des outils archaïques lourds, difficiles à manipuler. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le secrétaire permanent du domaine intérieur au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité demande aux administrateurs sortants de régler toutes les irrégularités encore observables dans le projet d'octroi des allocations uniques aux anciens combattants et d'élaborer et transmettre à qui de droit des rapports relatifs. C'est au moment où le secrétaire permanent au ministère de la Défense et des Anciens Combattants apprécie positivement le travail fait par ses administrateurs en matière d'octroi de ces allocations aux anciens combattants, même si des irrégularités minimes ne manquaient pas. Plus de 19 milliards de nos francs étaient une enveloppe et déjà débloquée pour ce programme. C'est au moment où les deux ministères évoqués si haut avait conjointement organisé ce lundi à Gitega une réunion d'analyse de l'état des lieux de ce projet. Les détails avec Djerani Vikit. Pour le secrétaire permanent du domaine de l'intérieur au ministère de l'intérieur, du développement communautaire et de la sécurité, Théophile Ndaroufatiye, les administrateurs communaux sortants doivent régler toutes les irrégularités observées dans l'exécution du projet d'octroi des allocations uniques aux démobilisés recensés dans leurs communes avant la remise et reprise entre eux et les administrateurs communaux entrants. Il a ajouté qu'ils se feront aider par les nouveaux gouverneurs et les anciens secrétaires permanents communaux, de même que les nouveaux secrétaires exécutifs communaux. Il a en outre accordé une seule semaine aux administrateurs communaux sortants qui n'ont pas encore transmis des rapports dits du projet pour s'acquitter de cette tâche. De son côté, le secrétaire permanent au ministère de la Défense et des Anciens Combattants, général-major Mario Singendabanga, salue le travail fait par les administrateurs communaux sortants en matière de distribution des allocations uniques aux anciens combattants, même si quelques irrégularités minimes n'ont pas manqué. Il a tenu à préciser qu'une enveloppe de plus de 19 milliards et 700 millions de nos francs a été déjà débloquée à cet effet. Certains administrateurs communaux sortants ont parlé donc de quelques problèmes rencontrés relatifs essentiellement aux anciens combattants ne se retrouvant pas sur des listes de démobilisés, d'autres sans compte bancaire, des noms mal saisis et de noms semblables, etc. Au directeur général des anciens combattants, général de brigade de Dominique Nyamugaruka d'annoncer qu'il y a encore plus de 6000 anciens combattants qui n'ont pas été recensés lors du recensement de 2022 de cette catégorie de la population burundaise, mais qui réclament avec plus de 300 démobilisés recensés mais sans compte bancaire. Tous ces problèmes seront étudiés par la direction générale des anciens combattants et les nouveaux administratifs provinciaux et communaux, a-t-il conclu. C'est au moment où ce mardi à Gitega,

ministère de la Sécurité avait conjointement organisé une réunion d'analyse de l'état de lieu du projet d'octroi des allocations uniques aux démobilisés. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard et Nibigira. Restons à Gitega pour parler santé. Le préparatif de la campagne de traitement de différentes maladies par les médecins spécialistes venus de Benjamin Mkapa Hospital de la Tanzanie vont beau train à la veille du lancement des travaux de cette campagne par le ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions. Propos du médecin directeur de l'hôpital régional de Gitega, où se déroulera cette campagne de 5 jours, qui précise que les équipements médicaux et médecins sont sur place déjà et l'enregistrement des patients se poursuit. Les patients se réjouissent de cette initiative et demandent à ces médecins de travailler en vitesse pour qu'ils soient tous traités. Une information que nous devons également à Gérard Nibigira. L'actualité continue en page commerce. Certains détenteurs de stations-service et de carburant en mairie de Bujumbura se lamentent que la procédure de distribution du carburant aurait changé sans concertation. Ceux qui se sont exprimés déplorent qu'ils soient obligés de transporter leur carburant à partir de l'entreposage pétrolier de Gitega, alors que c'est la société pétrolière du Burundi qui devrait accomplir cette émission. Ils expliquent qu'ils préfèrent attendre une longue période pour qu'ils soient approvisionnés en mairie de Bujumbura pour éviter d'enregistrer des pertes énormes. Face à cette situation, certains conducteurs de taxis opérant dans le sud de la capitale économique Bujumbura disent craindre que leur approvisionnement en carburant déjà ralenti ne s'empire. Ils demandent à la Sopebu de se concerter avec les propriétaires de ces stations pour vider cette question, n'est-ce pas, Sheila Irambona? Nous sommes sur le parking des taxis se trouvant à la 7e avenue de la zone Kanyosha en commune Muha, lieu où nous avons trouvé certains taximens en train de chercher des clients à amener au centre-ville. Dans l'avant-midi de ce lundi, tous ceux avec qui nous sommes entretenus affirment craindre que cette mesure de la Sopebu va empirer leur situation. Selon eux, les propriétaires des stations vont réfléchir à 2 fois avant d'aller s'approvisionner à Gitega. Les choses vont s'aggraver quand, en plus du prix de l'essence, ils vont ajouter le coût du transport. Je me suis approvisionné mardi, mais il n'y a pas d'espoir que j'ai accès au carburant cette semaine. Ils vont traîner les pieds pour s'approvisionner et cela va faire que nous soyons servis tardivement. Ils demandent au gouvernement de s'entendre avec les propriétaires des stations-service pour trouver une solution à ce problème. Nous demandons au gouvernement qu'il fasse tout pour que nous ayons du carburant dans de bonnes conditions, sans être épuisés, que chaque citoyen puisse bien se déplacer sans problème pour l'intérêt commun. Nous attendons du gouvernement qu'il trouve une solution à ce problème, qu'il se concerte avec la Sopebu afin que les propriétaires de stations puissent s'approvisionner comme avant. Même si ces taximens réclament cela, toutes les stations-service qui sont censées servir ces taxis dans cette commune étaient toutes fermées. Les taximens se sont demandé si ce ne sont pas des répercussions dues à cette décision de la Sopebu. Merci à Sheila Irambona pour ce reportage. À ce sujet, le directeur de la société pétrolière du Burundi, Samuel Ndaisenga, joint par téléphone, indique qu'il s'agit d'une mesure temporaire pour qui ne devrait pas dépasser 1 semaine. Il précise qu'elle ne concerne que les propriétaires des stations qui en ont la capacité et que dont la procédure de distribution du carburant n'a pas changé. Vous ratez l'essentiel. Cap sur Kayanza. Les agriculteurs de la commune Kayanza en province Boutanyerera ne trouvaient pas d'avantage dans la vente de leur production du maïs dans l'Anagessa. Ils déplorent le retard de paiement alors qu'ils comptaient à cet argent-là pour le paiement de la solde des engrais chimiques et l'achat des semences du maïs pour le semis de la saison culturelle. Les agriculteurs Kayanza demandent à la NAGESA le paiement cash pour la vente de leur production du maïs. On les écoute. Nous avons vendu le maïs à la NAGESA l'année passée, mais nous regrettons que cela ait été à crédit. Nous n'avons connu aucune importance. Le mieux serait d'avoir immédiatement le paiement et cela nous permettrait de nous procurer ce dont nous avons besoin, notamment l'engrais et bien d'autres. Nous demanderions à ce que le paiement s'effectue directement à la vente et cela nous facilitera de satisfaire nos besoins du ménage. Ce qui est regrettable est que la collecte est faite à crédit et cela ne nous permet pas de faire face à nos besoins quotidiens. Sinon, nous avons besoin de l'argent. Je n'y vois aucune importance. Le paiement est intervenu tardivement et c'est pour cela que la plupart d'agriculteurs n'ont plus que plus l'ambition de vendre leurs récoltes à cette agence. Franchement, il n'y a pas d'importance, car le paiement n'est pas immédiat, et même avec le paiement, nous sommes obligés d'avoir des comptes dans les banques. Or, nous n'avons pas les mêmes capacités d'avoir des comptes en banque, et celui qui a son compte, il est des fois obligé d'attendre toute une année. Le mieux serait de laisser le travail de collecte aux commerçants. Aucune importance dans ce travail de collecte. Le paiement se fait trop tard. On devrait nous permettre de vendre nos récoltes, même à de bas prix. Et cela nous permettrait de satisfaire facilement nos besoins. C'était là les habitants de Kayanza qui grognent pour le marché de leurs grains de maïs. Restons dans cette localité du nord du pays pour parler éducation. L'insuffisance des salles de classe et des latrines sont les principaux défis auxquels font face le bon fonctionnement de l'école fondamentale Ruhengeri de la zone Gatara, commune Matongo de la province Boutanyirira. Propos de Diomède Niyonzima, directeur de cette école, qui indique que cet établissement scolaire a 6 salles de classe qui abritaient plus de 400 élèves l'année scolaire passée. Cette autorité scolaire fait savoir que tous ses élèves partageaient seulement 2 latrines. Donatien Ndikubwimana, conseiller en charge des affaires sociales dans l'ancienne commune Gatara, dit que les problèmes qui hantent cet établissement scolaire ont été classés parmi les projets d'urgence qui seront réalisés par les nouvelles autorités de la commune Matongo. Des détails avec Patrick Sengiouf. L'école fondamentale de Ruhengeri est une école sous convention protestante de l'église des baptistes du Burundi. Cet établissement scolaire, à part le manque des salles de classe, souffre également du manque du matériel didactique comme les manuels scolaires des élèves et les guides d'enseignants, comme l'indique Kenyonzima Merkiad, directeur d'école. Ce directeur de l'école for Ruhengeri fait savoir que pour que les cours puissent être enseignés, il est obligé d'utiliser les frais de fonctionnement de l'école et faire la photocopie de ces documents qui manquent. Melchior Niyonzima fait savoir que l'école n'a pas également un bureau pour le directeur. Il fait savoir que pour pallier provisoirement au problème du manque d'infrastructures à l'école qu'il dirige, l'école for Ruhengeri serait dotée de 4 salles de classe et 4 latrines également. Le directeur de l'école for Ruhengeri tire la sonnette d'alarme et demande à l'administration et aux autres âmes charitables d'intervenir afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et prévenir aussi les maladies liées au manque d'hygiène. Ndikubwimana, conseiller en charge des affaires politiques, administratives, juridiques et sociales dans l'ancienne commune de Gatara, affirme que l'administration est au courant du problème qui hante l'école for Ruhengeri et promet que quand les moyens seront disponibles, l'école sera réhabilitée. Cette autorité administrative appelle également les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans la contribution dans les travaux de rénovation de cet établissement scolaire pour le bien-être des enfants scolarisés. Depuis la zone Gatara de la commune Matongo en province Boutanyerera, Patrick Nsengimva pour la radio Isanganiro. De Butanyerera, revenons sur Bujumbura où certains habitants qui exercent des activités génératrices de revenus le long de la rivière Nangwa, notamment à l'occurage de Moilon, dénoncent le déversement dans cette rivière des eaux usées en provenance des enceintes de l'Université du Burundi. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro craignent pour leur santé. Ils appellent les autorités à agir en urgence pour canaliser ces eaux contenant des déchets fécaux vers un centre de traitement des eaux usées de Buterere pour le bien-être de la population. Le reportage est de Ostira Daishimi. Nous sommes tout près du pont de la République. Des eaux usées mêlées aux matières fécales en provenance de l'Université du Burundi, campus Mutanga, se déversent dans la rivière Nahangwa. Ceux qui exercent leurs activités dans les environs se disent préoccupés par cette situation. Et c'est vraiment une chose qui n'est pas beau parce que ces eaux usées, ça dommage beaucoup de choses, notamment nos ouvriers qui exercent leurs fonctions ici. Ils disent souvent que ça peut les causer des maladies, de peau. Et c'est vraiment une chose qu'on aimerait voir changer. Donc vraiment, je leur recommande de mobiliser l'Université du Burundi parce que c'est eux qui laissent couler les eaux usées dans la rivière. Ces eaux usées contiennent des déchets provenant de la toilette. Cette problématique a retenu l'attention des députés en date du 26 juin au cours des questions orales adressées au ministre de la Santé sur le rapport d'audit de la Cour des comptes concernant la gestion de certains hôpitaux du Burundi. Agathon Gwasa demande qui serait responsable des conséquences qui pourraient être causées par cette situation. Au niveau du pont de la République, sur la rivière Nahangwa, côté droit, en provenance d'Okamenge vers le centre-ville, des eaux usées se déversent dans la rivière. C'est une problématique liée à l'hygiène et à l'assainissement. Quelqu'un peut se demander si ces eaux-là s'acheminent vers le lac Tanganyika et que la régie des eaux nous alimente en cette eau. À qui serait la responsabilité des inconvénients causés par cette eau. À ce sujet, le ministre Balada Hana réplique qu'une recommandation est déjà formulée par le Conseil national de la sécurité pour vider dans l'urgence cette question. Avec l'appui du Conseil national de la sécurité, nous avons une recommandation qu'ils nous ont adressée le 8 mai dernier qui nous invite à vider cette question dans peu de mois pour éradiquer l'épidémie de choléra. Cela parce qu'en grande partie et dans la ville de Bujumbura, cette épidémie dépend du problème d'assainissement. Les caniveaux collectent des déchets ménagers qu'ils acheminent dans le lac Tanganyika alors qu'ils devaient passer par le centre d'épuration des eaux usées à Buterere. Ceux qui continuent d'exercer leurs activités aux alentours de cet endroit disent qu'ils n'ont pas d'autre choix, sinon qu'ils auraient déjà déménagé suite à l'odeur nauséabonde dégagée par ces eaux usées. Radio Isanganiro, chronique sport. La retransmission en direct des matchs de football n'était pas facile dans les années 1990 du fait qu'on utilisait des outils archaïques, lourds, difficiles à manipuler. Tarsis Tungabose, journaliste sportif et senior, fait savoir que dans cette époque, ces équipements ne permettaient pas aux journalistes sportifs à accéder près de la pelouse pour accorder les interviews aux entraîneurs et aux joueurs après le match. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney, Guindakouman. La retransmission en direct des matchs de football à partir du stade Presserui Kwagasore, actuellement appelé stade Ntwari, était jadis un travail difficile à mener car les moyens techniques ne le permettaient pas. Explication de Tarsisi Tungabose, journaliste sportif senior. La retransmission des matchs de football, parce qu'il n'y a que le football qu'on retransmettait en direct à partir du stade, n'était pas un travail facile, d'autant plus que les moyens techniques de l'époque étaient des moyens assez arbitraires. archaïque. On employait des appareils trop lourds pour nous, très difficiles, très pas manipulables facilement. Et donc, pour accéder à l'information, aux interviews surtout, c'était très difficile. Ce journaliste sportif et senior indique qu'à cette époque, la retransmission se faisait en trois langues, à savoir la langue nationale, le français et le swahili, tout en précisant que chacun ne dépassait pas 3 minutes de retransmission. Pour la retransmission en direct, c'était assez facile, d'autant plus que on faisait la transmission à trois, celui en langue nationale, en swahili et un autre en français, plus un technicien qui est là pour évidemment joindre la maison de la radio techniquement. Donc, ce n'était pas facile, mais une fois sur le terrain, ça changeait un tout petit peu. D'abord, on aimait le football, on aimait connaître certaines stars du football qui se sont fait remarquer depuis leur jeunesse, comme les anciens, les Malik, les Mouvala, etc. Donc, c'était d'abord un engouement qui nous poussait à aller de l'avant, de rencontrer sur le terrain et les regarder, voir comment ils s'expriment sur le terrain. Et c'était une bonne chose, ça me donnait beaucoup de courage, ça me donnait beaucoup de connaissances. On partageait donc les connaissances en commençant à faire des interviews avec eux, avec les entraîneurs. On se faisait du nouveau monde, de nouveaux partenaires et des amitiés et s'installer comme ça. La transmission n'était pas très difficile, surtout quand on est à trois. On se relayait, chacun ne dépassant pas 5 minutes de retransmission. Selon toujours Tarsis et Tungabose, avant de passer au micro, on devrait l'appeler le score et le temps déjà joué suite au manque de tableau d'affichage du résultat. Et toutes les 5 minutes avant de passer le micro à notre partenaire, à notre collègue, on devait signaler le score, le temps déjà joué, et puis on passait le micro à l'autre. Et lui-même, il devait faire la même chose, c'est-à-dire 5 minutes et rappeler le score, mais chaque fois qu'il y a un but, par exemple, qui entre, on faisait le tour de tous les trois. On parlait du but de celui qui a marqué et de quelle manière il a marqué. Et donc, ça donnait envie aux gens qui n'ont pas eu l'accès au stade de se faire l'image, même si il est difficile de se faire l'image de quelque chose qu'on voit, qu'on n'a pas vu. Mais quand même, c'était bien. Dans la prochaine chronique sportive, Tarsis Tungabose nous dira comment la retransmission en direct des matchs de football a poussé les amateurs du ballon rond à venir massivement au stade de Presseruy Kwagasore pour assister aux différents matchs. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndzikobananga. Bonne suite de nos programmes.